Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne. Il n'y a pas que la radio qui s'active, les retraités aussi. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro des Retraités s'activent. C'est la 4e émission. Nous avions démarré par une présentation des participants. Dans un second temps, nous avions échangé autour du thème « C'était mieux avant ». La 3e émission, quant à elle, était dédiée aux métiers anciens. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fédérateur, un thème qui rassemble, un thème qui va nous mettre en appétit, les recettes, anciennes ou non. Mais en tous les cas, on va aborder ce thème de la cuisine. Chacun de nos participants a donc réfléchi à ce thème. Aujourd'hui, autour de la table, nous retrouvons Mauricette, Étiennette, Marcel, Michel et Michel, Gérard et puis Claudine qui est une nouvelle venue à qui on souhaite bienvenue. Alors les recettes, je sais que certains d'entre vous ont préparé des choses. Je vois Marcel qui a déjà empoigné le micro et qui va nous parler, je crois, d'une recette. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors moi je vais vous parler d'une recette tourangelle qui est pas très connue mais c'est excellent. C'est la bechelle de Tours. D'accord. C'est une très vieille recette de la région à base de riz, de rognon de veau, de champignons, morilles, pleurotes ou truffes, et de crème fraîche. Le chef Édouard Ninon, qui officiait au service de l'archiduc François-Joseph d'Autriche, l'a rendue célèbre au-delà des frontières de l'Hexagone en imaginant une variante de ce vieux ragoût blanc qu'il servait dans une timbale avec une croûte de vol au vent. La bechelle, ouais. C'est bien ça, d'accord. Alors, la recette. Pour 6 personnes, il faut 4 à 500 g de riz de veau, 4 à 500 g de rognon de veau, 300 g de champignons, comme je vous ai dit, champignons de Paris, pleurotes ou morilles, 25 g de crème liquide, 2 cuillères à soupe de mare, 50 g de beurre, le jus d'un demi-citron, du sel et du poivre. Couvrez d'eau fraîche le riz de veau et ajoutez le jus d'un demi-citron et laissez dégorger 15 minutes au moins. Lavez brièvement les champignons et coupez-les en fines lamelles. Chauffez 100 g de beurre dans une grande poêle, versez les champignons et les laissez rendre le roux. Une fois l'eau évaporée, rajoutez 20 g de beurre et les laissez dorer. Dégraissez les rognons et coupez-les en dés. Déposez les riz de veau dans une petite casserole, couvrez-les et portez à ébullition à frémissement. Laissez frémir 3 minutes, égouttez et pelez-les. Retirez la fine pellicule qui recouvre la poche. Coupez-les en morceaux à peu près équivalents aux rognons. Dans une grande poêle, évitez les revêtements non adhésifs qui ne fixent pas les sucres. Faites chauffer 20 g de beurre quand il est les noisettes, versez les rognons. Les laissez dorer à feu vif 2 minutes. Versez le marc, flambez puis égouttez les rognons et jetez le jus salé poivré réservé. Versez 20 g de beurre dans la poêle et faites-y sauter 4 minutes les riz de veau salé poivré et ajoutez aux rognons. Versez la viande et les champignons dans une sauteuse, déglacez les sucres à la poêle et y versez la crème portée à ébullition et versez dans une sauteuse. Laissez mijoter 10 minutes, servez bien chaud. On peut servir avec une écrasée de pommes de terre et accompagné de vin blanc sec, Vouvray, Mont-Louis, Chinon ou Savenière. Pour information, la bechelle tourangelle a désormais sa confrérie. Elle a été créée par le président Gérard Bobier, le président de la Chambre des métiers. Elle défendra la bechelle tourangelle, un mets pour les amateurs d'abats. Et ça, c'est quelque chose, Marcel, que vous avez déjà dégusté, on imagine, si vous nous en parlez. Oui, oui, oui, bien sûr. Ça faisait partie des recettes des grands restaurants Jean Bardet, par exemple. Ah oui ? À Amboise, le Bellevue, qui en faisait aussi. C'était, et c'est toujours d'ailleurs, servi dans les grands restaurants en Touraine. Vous connaissiez autour de la table cette recette ? On peut peut-être faire passer les micros pour... J'ai découvert, j'en ai parlé autour de moi et personne ne connaît, alors voilà. Tiens donc, alors que c'est typiquement tourangeau. Comme quoi ? C'est à déguster, c'est à essayer. J'ai de quoi en faire une d'ailleurs dans mon congé. Oui, moi je la fais plus simple. Je ne mets pas tous les ingrédients peut-être qu'il y a là-dedans, je ne sais pas. Enfin, moi c'est à mon idée. Hein. Comme j'aime beaucoup les abats, alors je fais des abats, mais plus simple. Voilà. Est-ce que Claudine, ça vous met en appétit cette recette ? Oui, oui, bien sûr. Nos Michel, elles en pensent quoi de la bechelle ? Elles n'aiment pas les abats. Oui, c'est appétissant, mais faut faire attention quand même, parce que les abats, pour moi, c'est pas tellement conseillé. Ah oui ? Ouais. J'aime ça, j'aime ça, mais c'est pas conseillé. Moi, par contre, je suis partante. Hein, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Moi, j'adore les abats et tout. Ça me fait penser au vol-au-vent que mon père faisait, au boucher à la reine, tout. Mais oui, oui, c'est quand tu veux. Gérard, la bechelle? Ben moi, ça m'a mis en appétit. J'aime beaucoup les abats. Maintenant, Marcel, puisque tu en as parlé, on attend à ce que tu nous invites dans un grand restaurant. Non, mais je pourrais vous en préparer une un jour qu'on fait un repas partagé. Ce sera peut-être un petit peu plus cher par personne parce que c'est quand même un peu luxe. Oui, surtout que moi, comme champignon, je mets des morilles en principe. Ah oui, donc c'est pas le même budget, en effet. C'est pas un budget, mais bon, ça mérite d'être dégusté. À bientôt. Morissette, moi, j'en ai fait. J'ai fait des rognons de veau cette semaine. Mais bon, j'avais pas mis de riz dedans, de riz de veau dedans, j'en ai pas mis. Je l'ai fait tout simple. Les rognons de veau, c'était très bon. Eh bien, puisqu'on parle d'abats, j'ai envie qu'on marque une première pause musicale avec Gimme, Gimme, Gimme. Hein? À tout de suite sur Radioactive. De retour sur l'antenne de Radioactive dans votre émission Les Retraités s'activent, une émission où nos participants ont tous un lien commun, celui de faire partie du service de lien social de la communauté de communes Val d'Amboise Entourage. Et on salue Morissette qui est toujours avec beaucoup de bienveillance, s'occupe de la coordination aussi de cette belle émission qu'on a grand plaisir à à retrouver. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la cuisine. Chacun de nos participants a donc réfléchi, comme je le disais, à ce thème. On a eu droit à une recette typiquement tourangelle que nous a donnée Marcel juste avant cette pause en musique, la bechelle tourangelle. Et bien maintenant, je propose qu'on écoute Michel qui a une recette elle-même à nous présenter. Alors, une recette qui n'est pas forcément ancienne, mais en tout cas, qui est à vous. Oui, c'est une recette que j'ai modifiée pour que mon petit-fils mange des épinards. Ah! Alors on écoute attentivement, moi ça m'intéresse. Donc c'est une tarte aux épinards et au saumon. Enfin moi je mets des filets de truite, c'est moins cher. Oui, et c'est aussi bon. C'est aussi bon, et je les digère mieux. En plus. Ouais. Donc les ingrédients, il y a 400 grammes environ d'épinards en branche. Moi je les prends congelés, on peut mettre des fraîches aussi, mais je prends congelés. Bien les égoutter quand ils sont... Oui, parce que ça rend de l'eau, ça. Oui, 100 grammes de lardons nature. On peut mettre fumé aussi, mais moi, je préfère les natures. 2 à 3 tranches de truite ou de saumon au fumé. 200 grammes de crème de coco. Je rajoute une cuillère à soupe de maïzena pour si ça rend un peu trop d'eau. Et 30 grammes de parmesan. Que je râpe, je prends du parmesan moi entier, puis je le râpe 30 grammes. Un peu de cumin, je mets ça au nez, hein, je dirais une bonne demi-cuillère à café de cumin. Oui, il ne faut pas avoir la main trop lourde sur le cumin parce que ça parfume très vite. Hein. Ouais. Un œuf, du fromage de chèvre, mais ça c'est facultatif. Ça c'était le piège pour mon petit-fils, ça, parce qu'il aimait bien. Un peu de sel, mais pas trop parce qu'il y a du parmesan. Oui. Et puis une pâte feuilletée. Le faire soi-même ou l'acheter, hein, c'est pas... Faire revenir les lardons à la poêle. Je prépare la pâte feuilletée. Je mets donc dans un plat à tarte. Dans un saladier, je mélange la crème de coco, la cuillère de maïzena, un œuf entier, les épinards, le parmesan, le sel et le cumin. Je mets les lardons dans le fond de ma pâte. Quand j'ai mis la pâte dans le plat, je mets les lardons. Je rajoute dessus les tranches de truite ou saumon, selon le choix, que je découpe un peu, que ça soit pas... C'est ce que j'allais demander, entière ou effilée? Non, je découpe peut-être. Un peu. Et je mets l'appareil dessus, tout ce qui est crème coco, maïzena et tout ça, je le mélange. Je fais cuire, je mets au four à 200 degrés ou 180 si c'est le four à chaleur tournante. Oui. Alors, à 200 degrés, dans le four normal, je mets 30 minutes à 35 minutes, ça dépend. Mmh. Et puis, dans la chaleur tournante, à peu près 25 à 30 minutes. J'ai oublié le fromage, si j'en mets, je le coupe en rondelles, pas trop épais, pas trop fin non plus. Et je le dispose sur le dessus. Mmh. Et puis, voilà, je fais cuire, c'est toujours pareil, entre 30 et 35 minutes. Et puis... à 25 minutes à chaleur tournante. D'accord. Voilà. Ça a l'air très bon, cette recette. En plus, avec de la coco, c'est... Oui. Hein, ça y est, on voit des yeux qui pétillent là autour de la table. C'est moins... par rapport à la crème fraîche, c'est moins... pour le cholestérol, c'est moins méchant. Oui, puis ça parfume. Ça parfume, il y a d'excellentes recettes qui marient la coco avec le poulet aussi, par exemple. Ouais. C'est vrai que c'est un bon compromis, des fois. Là. Je mettrais plutôt du curry. J'ai oublié de le mettre, mais j'en mets aussi. C'est vrai que Ah oui, Gérard faisait allusion au curry à la place du cumin. Alors pourquoi pas, en effet, ça peut. Oui. Dans beaucoup de recettes, je mets le cumin et le curry. Enfin, c'est le curcuma et le curry. Ah oui. Et là, parce que c'est la recette que j'avais écrite il y a longtemps, enfin que j'avais tapée il y a longtemps. Mais c'est vrai que depuis j'ai modifié, c'est vrai que je rajoute du curry aussi. Mmh. C'est vrai que ça relève un petit peu plus. Ça relève et puis ça colore un petit peu aussi. Oui, oui. Ah, voilà. Ok, une bien jolie recette qui nous met en appétit. Merci Michel. De rien. Je me tourne vers Mauricette qui, elle aussi, a préparé pour nos auditeurs et pour ses comparses aujourd'hui présents autour de la table une recette qui est la galette au chou. Oui, c'est une galette, c'est des recettes de grand-mère, une recette d'Auvergnate. Ah. Et bon, j'ai acheté la carte postale. Très bien. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne recette. Mais je fais ça aussi, Mauricette, moi. Quand je pars en vacances, j'achète les cartes postales des recettes. Voilà. Oui. Ah, super. Alors, c'est facile à faire. D'accord. Il faut un chou moyen, 150 grammes de lard maigre. Alors le chou, coupé en petits morceaux. D'accord. Le chou, c'est un chou vert. Un chou vert, oui, ouais. Ça doit être un chou vert, un D'accord. chou moyen. Oui. Okay. Faut 200 grammes de farine, 25 centilitres de lait, 2 œufs, 2 échalotes, 3 gousses d'ail, persil, sel, poivre. Faire blanchir le chou et l'égoutter. Mmh. Puis, dans une cocotte, le faire cuire à hauteur d'eau bouillante, salée. Pendant ce temps, mélanger les 2 œufs battus, le lard, les échalotes, l'ail, le persil finement haché. Ajouter délicatement farine et lait jusqu'à obtenir une pâte un peu épaisse. Saler et poivrer. Et le tour est joué. Voilà. Après, égoutter le chou, le couper grossièrement dans un moule à tarte, verser 2 cuillères à soupe d'huile et mettre au four chaud lorsque l'huile est fumante. Verser la moitié de la préparation liquide, recouvrir le chou, puis ajouter le restant de la pâte. Faire cuire à four thermostat 5-6 pendant 30 minutes environ. Puis bon D'accord. appétit. Ah ben, ça, là encore, hein, je pense qu'on va tous bien manger c'est, à midi après simple, tout ça. Hein. C'est simple à faire et puis voilà quoi, c'est pas trop long. C'est des valeurs sûres. Voilà. Alors on remarque qu'il y a encore la présence du lard. Oui. Hein? Oui, dans des, ouais, ça fait un petit peu comme des quiches, comme des. Voilà, c'est pas. Mm-hmm. Ouais. Alors, Marcel, bah, dit qu'il faut que Morissette en fasse une. Marcel, je t'en ai déjà fait goûter. Quand je l'avais faite, je te l'avais fait goûter. Très bien. Merci beaucoup, Morissette. Alors, une Morissette pouvant en cacher une autre. Nous voici avec Morissette H. Merci Marlène. Merci avec Morissette. Alors, Marlène. On va pouvoir écouter la recette que vous avez à nous transmettre. Moi, c'est pas vraiment une recette, c'est histoire de quand le dimanche soir, on sait plus trop, on n'a pas trop envie de faire à manger, on a envie d'être cool, et il nous reste souvent, parfois, du pain de mie. Du beurre, moi je fais les croque-monsieur. Moi j'adore les croque-monsieur. Oui. Soit le samedi soir pour écouter les émissions sympas, ou alors le dimanche soir, comme je viens de vous dire, parce que j'en ai marre de faire à manger, oui. Et puis que relax, cool. Et moi les croque-monsieur, je les fais au jambon, au chèvre, à la pomme, à la poire, vraiment à tout. C'est pour ça que des fois, on a des restes de fruits qui commencent à s'abîmer. Allez hop, un petit croque-monsieur à la poire. Mmh. Allez hop, un petit croque-monsieur à la pomme. Et c'est sympa. L'ananas, non. J'avais fait une fois, non, ça a rendu jus, c'est pas terrible. Mmh. Voilà, je rajoute un petit peu de sucre vanillé, un petit peu de beurre, et hop, un dessert. Et le lendemain matin, à mon petit déjeuner, un petit croque-pomme, même s'il est froid, c'est pas grave, je le mange quand même. Ah, non, mais franchement, c'est facile, c'est joli. Vous l'agrémentez d'une salade, voilà, l'été, avec une petite salade composée, parce que je crois que tout à l'heure, il y a une spécialiste, Marcel, de la salade composée. Pareil, avec des restes, voilà, ça fait un repas de restes, on prend un petit peu tout ce qu'on a dans notre cuisine, dans le frigidaire. C'est voilà. Vrai qu'il y a des recettes comme ça qui peuvent s'agrémenter d'un tas de choses. Je pense à l'omelette, c'est pareil, hein, pareil, voilà, les restes qu'on fait. A dans le frigo, dans l'omelette, on y met un petit peu tout ce qu'on veut. Bah, le croque-monsieur, c'est pareil. Voilà. Vous pouvez le faire avec du chèvre, moi j'adore avec le chèvre. J'adore le chèvre. Bah, allez, hop, un croque-monsieur au chèvre. Une astuce pour le petit-fils de Michel, du coup, avec le chèvre. Voilà, je voulais vous le partager, ces petits trucs. C'est tout bête, tout simple, mais sympa. Et puis j'aime, j'adore. Mais merci. On retiendra le dimanche soir, devant notre paquet de pain de mie, on pensera à Morissette et on fera un petit croque-monsieur. Tout à fait. Merci. Ça dépend ce que j'ai dans le frigo, ça dépend. J'ai pas toujours ce qu'il faut pour faire quelque chose, mais enfin bon. Ah non, j'ai pas de chat. Et je peux faire une petite salade avec n'importe quoi, une endive, et s'il reste quelques bricoles de pommes de terre ou un œuf dur qui traîne. Allez, on fait. Non, non, mais on peut faire une petite salade avec n'importe quoi, hein, c'est sûr que... Ou un reste de légumes, qu'on a pas, qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, bon, bah, pour une personne ou deux, ça va, quoi. Oui. Et votre plat préféré? Mon plat préféré. Oh, mon plat préféré. Qu'est-ce que c'est? On vous invite au restaurant, on vous invite à manger. Comment on vous fait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Oh, bah, tout. Moi, j'aime tout. Ah, bah, ça, c'est super, au moins. Oh, bah, j'aime tout, moi, oui. Là, ça va être le moment des crêpes. On peut faire des crêpes. Oui. Et puis les fourrer avec quelque chose, du jambon, des champignons, faire un petit truc aux champignons pour. Avec de la crème fraîche et puis rouler des crêpes avec. Ça, c'est très bon, ça. Oui. Voilà. Des fois, comme on disait tout à l'heure, mais des choses simples. Hein. Des choses très simples, oui. Moi, je fais des choses simples, mais comme j'aime tout, alors bon, bah. Puis souvent, c'est des trucs qui me viennent à l'idée en ouvrant le frigo. Oui. Ah oui, oh bah ça. Bien, merci. Merci, Etiennette. On va passer le micro à Claudine à côté de vous, puis je vais lui poser la même question à Claudine parce qu'elle n'a pas forcément de recette à partager avec nous. Mais qu'est-ce que vous aimez manger, Claudine? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, j'aime tout manger. Vous aussi? Mais comme je suis seule, donc les repas, c'est très simple. Hein. Oui. Vous cuisinez pas des heures pour juste non. Pour vous? Non, non, non. D'accord. Bah non, parce que je vois pas l'intérêt, quoi. Pour moi toute seule, non. Des fois, ça peut faire plusieurs repas. Il n'y a rien qui me motive. Quoi. Et puis, si je décide de faire quelque chose, en général, je le rate. Ah bon? Ah oui. Allons bon. Vous allez pouvoir prendre un tas de conseils aujourd'hui, alors. Il y a eu un certain temps, quand j'étais encore à Bordeaux, si j'invitais quelqu'un à manger, ce n'était pas la peine, c'était raté. C'est incroyable. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'avais pas réussi. Voilà. Trop de stress, sans doute, d'accord. Je ne sais pas. Bon, enfin, ce que je mettais, c'était peut-être raté, mais c'était bon quand même. Hein. C'était du bon. Hein. Alors, je me dis, tant pis, c'est raté, mais bon. D'accord. Mais je ne suis pas très... Non, non, cuisinière, non. Pas vraiment. Donc, chez moi, c'est tout simple, c'est rapide. Voilà. D'accord. C'est tout. Bon. Eh bien, écoutez, il y aura peut-être, comme je le disais, des conseils à prendre aujourd'hui. Michel. Moi, une recette que j'adore, et d'abord je vais m'y atteler cet après-midi puisque j'ai tout pour, c'est du chou rouge aux saucisses fumées. Ah, alors ça... Là, donc il faut un chou réagit, rouge. Ça réagit là, on a des réactions là. Un chou rouge moyen. Hein. Oui. Par contre, il faut le couper assez fin. Il faut vraiment le mettre en lamelles. D'accord. Un oignon que je fais d'abord blondir dans le fond de ma cocotte, avant. Après, je rajoute tout mon chou, comme ça. Je mets quelques lardons, un fond d'eau, du sel, du poivre. Je couvre et je laisse mijoter pendant très longtemps, mais à feu très, très doux. D'accord. Le chou va cuire et va fondre, va devenir fondant. J'ai rarement mangé du chou rouge cuit. Oui. Si, si. Eh non, je... C'est régional, dit Gérard. Oui, c'est vrai. Michel je suis de l'Est et c'est vraiment l'Est. Régional, mais nous en Belgique, ma mère, elle faisait le chou rouge comme tu le fais. La seule chose, c'est qu'elle rajoutait des pommes avec, des morceaux de pommes fruits. Alors on peut rajouter des pommes avec. Et c'est vrai que quand tu le laisses sur le bord de la cuisinière pendant des heures, le chou est confit. Complètement confit. Oh là là, ça doit être délicieux. Et ça, sur une tartine. Alors nous, on le mangeait comme ça. Pain d'épices, on le mettait dessus et on mangeait comme ça. C'était comme ça que nous, on le mangeait. Mais c'est tout à fait régional, ça. Et avant la fin de la cuisson, vous rajoutez soit vos saucisses fumées, soit des morteaux. Vous piquez un petit peu. Ou choses comme ça. Voilà. Et tout ça, ça va cuire très longtemps et ça va prendre tous les goûts, aussi bien du lard, du chou, de l'oignon. Et c'est un régal. Ah oui. Le chou rouge, oui. Bah, vous avez jamais essayé le chou rouge cuit? Non, jamais. Ouais, il faut faire. Hein. Ah faut non, faire. Non, moi, je connais le chou essayer, rouge râpé. J'avais donné la recette à une collègue, fois. Son fils. Toujours son fils lui réclamait après. Ah, oui. Tu me fais du chou rouge avec des saucisses fumées. Voilà. Ah bah, ça va très bien. Hein. De la perdrix, dit Marcel. On va lui passer le micro. Oui, le chou rouge cuit, moi, j'en ai fait. avec de la perdrix. La perdrix au chaud, au cuit, c'est délicieux. C'est nettement meilleur que la recette classique. Ah oui. Et alors, cuit, le chou rouge, il a quoi de différent? Il est plus sucré que le chou classique, plus, c'est ça l'idée, doux. Oui. Il est plus doux. Oui. Plus doux. Oui. Combien de temps? Ça met combien de temps, demande Alors, le temps, je ne te dirai pas. Parce que c'est vraiment... moi, je le fais au pif. Hein. Mmh. Je... À peu près. Deux heures. Oh, faut bien plus de deux heures. Hein. Ouais. Faut que ça soit vraiment tout doux et que ça soit confit. Hein. Ouais. Ah ben... voilà une idée qu'elle est bonne. Hein. Ou alors des pommes de terre à l'eau, tout simplement. Voilà. Mais ça c'est mon truc. Voilà. Avec voilà, avec et Jeannette est en train pintade, de dire que ça y est, elle bien. Va aller faire ses courses, pintade, acheter du chou bien. Pour essayer cette recette. Ben merci de nous avoir partagé cette bonne recette. Non mais oui, mais il faut qu'il fasse froid dehors. On va maintenant passer la parole à Gérard. Voilà, Gérard qu'on n'a pas beaucoup entendu jusque-là, mais qui va partager avec nous. C'est ma timidité, c'est ma timidité. Et oui, oui, mais comme on le sait, c'est pour force, ça que... Je me force. Ouais. Alors Gérard, quelle recette allez-vous nous présenter? Bien, moi, ma recette, c'est une recette de famille, c'est une recette qui vient de ma mère. Ma mère qui était donc née à Malines, en Flandre belge. Et cette recette, il faut savoir que dedans, il va y avoir un ingrédient à la fin que je vais dire, c'est la cannelle. On met une cuillère à café de cannelle juste à la fin. Mais il faut savoir qu'en Belgique, chaque région a cette épice différente. Oui. Notamment, je sais qu'à Anvers, on met, c'est du cumin qu'ils vont mettre, une cuillère à café de cumin. D'accord. Et on va trouver, et c'est ce qui va changer complètement le goût suivant la région, suivant si vous êtes sur Anvers ou sur Malines, et voilà. D'accord. Alors, la recette de carbonate flamande. Mmh. En flamand, ça se dit... Vlaamstoflies. Vlaams, c'est le pays flamand. Stoff, carbon, et la viande carbonisée. Alors D'accord. qu'elle n'est pas carbonisée. Non. Donc pour vous, pour 6 personnes, il vous faudra 1,5 kg de paleron ou de gîte ou joue de bœuf, coupé en cubes de 2 cm. 600 g d'oignons émincés, 450 g de lard fumé en dés, 70 g de beurre, 6 cuillères à soupe de moutarde, 7 tranches de pain d'épices, 1 cuillère à soupe de sucre cassonade, 1,5 litre de bière brune, et là vous avez le choix, soit l'Appel Forte, qui est une bière lilloise, qui est légèrement acidulée, ou moi celle que je conseille, c'est la Lef, qui est une bière belge et qui est beaucoup plus caramélisée et beaucoup plus forte en alcool. Et la cuillère à café de cannelle, bouquet garni, sel, poivre. Mais j'ai fait venir quelqu'un pour faire la recette. J'ai fait venir un ami qui vient directement de Malines. La ville de Malines se dit Mechelen en flamand. C'est la capitale des Flandres belges. Et donc, il s'appelle Willem. D'accord. Je vais vous le passer. Et pour ce faire, étant donné que c'est quelqu'un qui a besoin de carburant, j'ai prévu un pack de 6 bières chouf pour qu'il puisse se désaltérer au cas où. Très bien, on accueille donc Willem. Donc, voilà, je lui passe le micro. Ouais, passe-moi le micro, tu vas voir, je vais commencer le bazar. Alors, je m'appelle William Krokopek, je viens de Malines. Tout d'abord, tu vas chez le boucher acheter ta viande. Celle que je te dis, hein. Si tu veux autre chose, tu fous la paix avec, hein. Une fois que tu as tout pour faire, tu vas dans la cuisine et tu bois une bonne bière chouffe pour le courage. Dans la marmite, tu fais fondre le beurre feu doux. Pour pas cramer le beurre, tu mets un chiot-peu d'huile. Puis tu mets ta viande. Quand c'est bien doré, tu retires la viande et tu mets les oignons, puis avec tes lardons. Quand les oignons, tu vois au travers, tu remets ta viande. Et tu vides toute la bière d'un coup en le gamelle. Bouquet garni, sel, poivre. L'odeur t'a donné soif. Vite une chauffe. Tu prends tes tartines de pain d'épices. Tu tartines chaque tranche avec moutarde. Attention, des deux côtés, hein. Et tu les mets dessus du frischt, En trempette. Le frisch, c'est le frichté. Oui. En trempette. Comme tu as bien travaillé, alors bois donc une chouffe. Ça va cuire 2 heures feu doux, puis tu coupes le feu. Tu mets une cuillère à café. Après que tu aies coupé le feu, tu mets une cuillère à café de cannelle, tu remues bien. Tu ne goûtes pas, tu laisses la cocotte fermée. Au moins 1 heure. Pendant que t'attends, bois une chouffe. Alors Willem, attention, Gérard, il vous a prévu qu'un seul pack hein, de chouffe. Bon, ça va faire, ça va le faire. Hein. Pour l'accompagnement, tu accompagnes avec le mieux, c'est les frites. Dans la sauce à trempette, c'est vraiment bien. Ou patates vapeur. Le pire, c'est les pâtes. Et le dégueu, c'est le riz. Puis vient le moment où tu vas goûter. Tu rectifies sel, poivre. De toute façon, tu trouveras ça bon, car avec 4 chouffes, t'es complètement pété. Un conseil, fais-le la veille pour le lendemain et ne le fous pas au frigo toute la nuit. Oublie-le dans la cuisine. Bisous, Beko, à tantôt. Alors là... Ouais, mon copain, il est très... Bah, très belge, on va dire. Ah, mais voilà. Dis donc. C'est comme ça que je l'ai fait. Ouais, voilà. Alors, rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. Oui, mais si tu dis ça à Croque-Pec, il va dire modération, j'ai pas de copain qui s'appelle comme ça. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, la carbonade, moi, ça me rappelle d'excellents souvenirs de Bruxelles, de carbonade dans des petits restaurants. Et non pas Bruxelles. Oui. Ouais, c'est excellent. C'est vraiment une recette excellente. Comme toutes les recettes que vous avez partagées avec nous, la bechelle, la galette au chou, le comment ça s'appelait vous? Voilà, voilà. Et puis la tarte aussi, saumon épinard, truite épinard fromage. On peut mettre l'un ou l'autre. Et puis les croque-monsieur. Oh, ben moi, j'adore cuisiner, mais là, comme ça... Ah ouais, vous me prenez de cours, là. Bah oui, t'aurais dû préparer quelque chose. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est les petites cassolettes de Saint-Jacques. Alors ça, j'adore. Donc je prends des petites noix de Saint-Jacques, les plus petites que je trouve. Voilà, et puis donc je fais revenir mes petits oignons dans une poêle, mes champignons de Paris émincés dans une autre poêle. Je fais cuire mes petites noix de Saint-Jacques à la poêle au beurre. Après, je mélange tout ça, je fais un roux dans une casserole avec de la crème fleurette. Crème fleurette et puis farine, donc ça me fait un roux. Puis ben voilà, après je mélange tout ça. Alors des fois je mets un petit peu de vin blanc, ça dépend si c'est ça dépend qui j'ai à manger en fait. Soit je fais nature, soit je mets avec un peu de vin blanc, c'est encore meilleur. Et puis après avec un petit peu de chapelure par-dessus au four et c'est top. Ah ouais, c'est très très bon ça. Faut ouais. Pas les faire cuire longtemps alors. Non, bah ça c'est sûr que la cuisson des pétoncles, les noix de Saint-Jacques, c'est toujours bien à vérifier parce que ça peut devenir de la semelle et c'est immangeable après. Ça fait vite caoutchouc. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis quand ça cuit dans la petite cassolette, ça les rend très savoureuses. Donc oui, ça c'est une recette que j'adore. Voilà. Le pain perdu. Oui, le pain perdu ou alors le gâteau de chien. Un pudding. J'en faisais dans le temps quand j'étais gosse. Avec des restes de pain, des raisins de Corinthe, des œufs, voilà. Du lait. Faire tremper son pain rassis dans le lait, bien essoré, puis après faire un mélange. Ah bah ça tient au corps, hein. C'est le sûr. Pudding, oui. J'en faisais quand les enfants étaient petits. Moi, j'en faisais. Ouais, non, je fais plus ça. Ou ils en faisaient aussi. On peut passer le micro à Marcel, s'il vous plaît, Michel. Il est là, le micro. Oui, le pudding au pain, là, j'en faisais beaucoup quand les enfants étaient... Et ils ont très vite, ils ont topé la recette et ils en faisaient. Quand ils n'avaient pas classe, ils invitaient les copains. Et puis, ils me disaient, désolé, on a tout mangé, puis il y a quelqu'un qui est venu. On t'en avait gardé, mais il y a quelqu'un qui est venu qui a mangé ta part. Alors, je retrouvais que la vaisselle. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, il nous reste à vous remercier les unes et l'autre, et la technique, bien évidemment, Vincent et Kylian. Merci à tous d'avoir partagé avec nous ces bonnes recettes. Je pense qu'on pourra passer à une nouvelle rubrique après les retraités s'activent, les retraités cuisinent, pourquoi pas, avec des chroniques culinaires que nous retrouverions régulièrement. Il me reste à vous passer une info importante. Le dispositif Entourage de la communauté de communes Val d'Amboise, le service Lien social de Possé-sur-Cisse et la gendarmerie d'Amboise, qui vous propose une information sur les démarchages abusifs, les vols, les escroqueries. Pour adopter les bons réflexes, une rencontre est donc prévue. Ce sera le mardi 20 février de 14h30 à 16h30 à la salle des fêtes de Possé-sur-Cisse. C'est entièrement gratuit, c'est ouvert à toutes les communes. Il y aura donc la présence du service Entourage et puis de la gendarmerie d'Amboise pour échanger autour de ce fléau qui malheureusement sévit. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, vous pouvez avoir plus d'informations au 06 73 85 83 99. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous rendre le mardi 20 février à la salle des fêtes de Possé à partir de 14h30. Qui plus est, un petit pot convivial vous sera offert à la fin de cette séance. Merci à tous. On se retrouve donc dans un mois maintenant pour une nouvelle émission où cette fois-ci nous parlerons de la retraite et des voyages. Nous voyagerons donc ensemble au travers de vos témoignages.